Allô? Aussi, hein. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. C'était beau ça. Elle aime, elle adore, c'est beau comme elle. Essaye sur le 1. Il y a beaucoup de mesures. Hein. Bon, je vais enlever ce délai, il est trop gros là. Elle aime, elle adore. Elle aime, elle adore. C'est beau comme elle aime, c'est fou comme elle aime. J'ai raté le départ. Attends, on va essayer de voir. Il y a combien de mesures? Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Ça va, c'est long, hein. Au niveau des mesures, il y a beaucoup de mesures. Hein. Ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la groupie du pianiste. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la groupie du pianiste. Ouais, c'est 32. Mon ordinateur qui bug, qui bloque. Ah! Dommage. Une autre fois. Évidemment. Évidemment. On danse encore. Salut Rémi. Allez, Edo, fais-moi un petit morceau. Qu'on aimait tant, mais pas comme avant. Ou alors tu joues un morceau et je pique des paroles de Merger. Il ne nous en voudra pas parce que Ouais, ok.